Comment direz-vous à quelle heure est-ce que nous arrivons demain? À quelle heure? Oui, à quelle heure? Et comment dit-on arriver? Llegar. C'est ça. Donc, nous arrivons. Llegamos. Llegamos, d'accord. Llegamos. Alors, à quelle heure? À quelle heure llegamos? Demain. Mañana. Très bien. À quelle heure llegamos mañana? À quelle heure est-ce que nous arrivons demain?